Chapitre 9e. 48 ans seulement avant moi, un officier des États-Unis, qui a laissé un nom respecté dans la géographie de l'Amérique du Nord, le major Pike, remontait le Mississippi dans un bateau à rames. Il était chargé par son gouvernement d'explorer la branche principale du fleuve jusqu'à sa source, d'en reconnaître les affluents supérieurs, d'étudier le sol, alors inconnu, qu'ils arrosent, et d'obtenir des Indiens propriétaires de ce sol la permission d'établir des postes militaires ou des factoreries sur les points qu'ils jugeraient les plus convenables à cet effet. Le paysage qui sert de cadre au Mississippi a peu changé depuis le major Pike. Sur les deux rives, c'est toujours la succession de prairies et de collines qu'il admirait et qui, au lieu d'être parallèles au fleuve, croisent son cours en lignes obliques de plus en plus accidentées et pittoresques à mesure que l'on remonte vers le nord. La haute végétation de ce paysage est toujours composée dans les bas-fonds de bouleaux, d'ormes, de cottonwood ou peupliers du Canada et de cèdres sur les hauteurs, mais quel changement dans l'intensité de la vie et de l'activité humaine! À la place des rares wigwams des propriétaires primitifs du sol s'élèvent de nombreuses bourgades, des cités déjà florissantes et d'innombrables troupeaux domestiques ont remplacé sur les pâturages des deux rives les daims et les bisons que Pike put y voir bondir. À l'orée de chaque ballon, on entrevoit des fermes, des usines en activité ou en construction, et la charrue passe et repasse sur les vieux sentiers de la guerre. Je laisse sur ma gauche l'État d'Iowa avec ses 500 000 colons. À ma droite se déroule le Wisconsin qui a nourri déjà 750 000, et devant moi ondule le plateau du Minnesota, dont le centre voit sourdre, à côté les unes des autres et comme d'un commun réservoir, premièrement les sources du Mississippi, qui va chauffer ses ondes dans la mer brûlante du Mexique, deuxièmement de la rivière Rouge, qui va perdre les siennes dans les glaces de la baie de Hudson, troisièmement et enfin de la rivière Saint-Louis, qui se jetant dans l'angle occidental du lac supérieur, peut être considérée comme la source la plus reculée du Saint-Laurent. L'élévation du sol, plus encore que celle de la latitude, de 42 à 49 degrés, rend dans le Minnesota les saisons constantes, les étés agréables, l'hiver long et rigoureux. Toutefois, on s'habitue facilement à le supporter. Il n'est pas d'ailleurs également rude dans toutes les parties du pays. Vers le sud et au centre, la température reste constamment très supportable, tandis que vers l'extrême frontière nord, le mercure gèle quelquefois. Ces conditions climatologiques assurent la salubrité du pays. Sa réputation à cet égard est bien établie. Beaucoup d'habitants du sud, énervés ou épuisés sous l'influence d'un climat trop chaud, vont s'y fixer pour établir leur santé. Ils y ont formé le noyau de la population, forte déjà de 175 000 âmes, et que renforce chaque jour l'émigration européenne. Les Français, les Suisses, les Allemands, les Suédois et les Norvégiens y affluent. Les derniers s'enfoncent dans les sapinières de la partie nord. Les premiers se fixent de préférence dans les districts du sud, où le chêne, le frêne, le platane leur rappellent la végétation forestière de leur patrie. Le Mississippi, qui traverse le centre de l'État, est navigable jusqu'à 300 milles au-dessus des chutes Saint-Antoine, où se trouvent les stations de bateaux à vapeur qui font le service du fleuve en amont et en aval des chutes. Ses principaux affluents sont la rivière Durham et la rivière Sainte-Croix, qui charrient les bois coupés dans les sapinières du nord, et la rivière Saint-Pierre au Minnesota, qui parcourt toute la partie sud-ouest de l'État et offre à la navigation un canal de près de 500 milles pendant les hautes eaux. Lorsque les voies d'eau sont fermées par la glace, c'est-à-dire du 20 novembre au 20 avril, le Minnesota n'ayant pas encore de chemin de fer, la circulation, les voyages, les transports des dépêches et des marchandises s'y font au moyen de traîneaux de différentes formes et grandeurs, attelés de chevaux vigoureux. Quelquefois, on préfère à ceux-ci un attelage de chiens, surtout quand il s'agit d'expéditions lointaines vers le nord. Ces animaux, qui supportent très bien la fatigue et le froid, exigent peu de nourriture et font souvent un trajet de 100 milles dans une journée. Mais à l'époque de mon passage, bien que l'automne commençât à nuancer les feuilles des forêts, que la rosée du matin fût froide, les journées étaient chaudes et les eaux des rivières, des ruisseaux et des centaines de lacs qui donnent au paysage de cette contrée un caractère particulier, scintillaient bleues et brillantes au soleil. Les convois des migrants venant des États de l'Est et qui m'apparaissent de loin en loin sur les rives du fleuve me rappelaient tantôt la caravane du squatter de la prairie tel que Cooper l'a gravé dans toutes les mémoires, tantôt cette page, non moins belle ou au Dubon, a peint les pionniers du Mississippi. Les voilà qui s'avancent dans leurs longs chariots à quatre roues, où sont entassées femmes, enfants et bagages. Une toile blanche, tendue sur des cerceaux, abrite la famille contre le soleil et l'orage. Le digne mari, le rifle sur l'épaule et ses garçons, revêtus de bonnes grosses étoffes, touchent les bœufs et conduisent la procession, suivis de leurs chiens de chasse ou de garde. Ils voyagent lentement, à petite journée, et tout n'est pas plaisir sur le chemin. D'un côté, c'est le bétail, qui, sauvage et entêté, s'écarte à chaque instant de la ligne droite pour courir à une source ou un bouquet de bois, et ne peut être ramené qu'au prix de beaucoup de temps et de peine. D'un autre, c'est un harnais qui se rompt et qu'il est indispensable de raccommoder sur le champ. Plus loin, il faut courir à la recherche d'un baril tombé inaperçu. Les pauvres gens ont grand besoin de ne rien perdre de leur chétif à boire. Et puis, les routes sont affreuses. Plus d'une fois, toutes les mains sont appelées à pousser à la roue et à soutenir la charrette qui penche et va verser. Enfin, au coucher du soleil, ils ont fait 5 ou 6 lieues. Fatigués, ils se groupent autour d'un feu qu'il n'est pas toujours facile d'allumer. Le souper est préparé. On simule au moyen des chariots et de quelques arbres abattus une sorte de camp, et c'est là qu'ils passent la nuit. Des jours succèdent aux jours et des semaines aux semaines avant qu'ils atteignent le but de leur pèlerinage, quelques vallons écartés du Far West, où ne retentissent pas trop et le bruit de l'âge des voisins, et faut-il l'avouer, le mot sacramentel et gênant de la loi. Mais au milieu des invasions de la race blanche, que deviennent ceux que la chancellerie de Washington appelait encore, il y a un demi-siècle, les propriétaires du sol? Hélas, ce que deviennent les neiges d'antan. Ils fondent, pour ainsi dire, devant les défrichements. Chasseurs jetés au milieu de la vie de cité, sans transition, sans préparation aucune, ils s'éteignent sous les émanations des fermes et des usines, des guérets mis en culture. Ils disparaissent avec les grands troupeaux de bisons et de daims qui servaient à la nourriture. Durant toutes mes pérégrinations sur le haut Mississippi, je n'en ai aperçu qu'une fois ou deux. À la hauteur du lac Pépin, 3 Indiens Chippeways montèrent à bord, tandis que le reste de la tribu leur faisait des signes d'adieu du haut de la berge du Mississippi. Ces Indiens étaient de grande taille, mais avaient des traits grossiers et la peau d'une couleur rougeâtre très foncée. La moitié de leur figure était couverte d'une épaisse couche de vermillon qui s'étendait jusqu'à leurs cheveux nattés au sommet du crâne. Ils portaient de longues guêtres de cuir attachées sur le côté par 1000 lanières effilées. Par-dessus une espèce de blouse déguenillée, ils avaient jeté une grande couverture en laine qui les enveloppait entièrement. Ils ne savaient pas un mot d'anglais et semblaient un peu hébétés. L'un d'eux, armé d'une longue lame d'acier en forme de poignard, avait planté sa pipe dans ses cheveux. Ces 3 Chippeways allaient à Saint-Paul réclamer un cheval qu'ils accusaient les Sioux de leur avoir enlevé. Ces vols d'animaux, assez fréquents entre les tribus, les poussent à des guerres acharnées. Le lac Pépin est formé par le fleuve lui-même, qui atteint à cet endroit une largeur de 6 à 7 kilomètres. En face de nous se présente Maiden's Rock, vaste rocher de 130 mètres de hauteur, et dont les flancs escarpés ajoutent à l'effet de cette pittoresque contrée. Maiden's Rock signifie « rocher de la Vierge ». Ce nom doit son origine à une légende indienne. On raconte que de cette sommité, une jeune fille se précipita dans le Mississippi, en présence de sa tribu tout entière, plutôt que d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. L'histoire de cette pauvre créature semble symboliser les destinées de la race indienne tout entière, qui se plonge dans la solitude et se suicide dans l'abrutissement pour ne pas épouser la civilisation. La ville de Saint-Paul, où j'arrivais à la fin de septembre, a fourni un chiffre de 15 000 habitants au recensement de 1860. C'est la cité la plus considérable du Minnesota. C'est le chef-lieu officiel de l'État. Située à 7 000 en aval du confluent de la rivière Saint-Pierre et du Mississippi, à 30 000 de l'embouchure de la rivière Sainte-Croix, elle est bâtie en amphithéâtre et mi-côte sur la rive gauche du fleuve qu'elle domine à pic dans une grande étendue. De cette élévation, qui n'est pas de moins de 75 pieds, on a construit, au centre de la ville, un immense pont incliné de 12 à 1400 pieds de longueur pour joindre la ville à la rive opposée qui n'est guère plus élevée que les eaux du fleuve et sur laquelle existe déjà un grand nombre d'habitations. Ce pont coûtera 150 000 dollars. Au côté sud de la ville, les rues descendent rapidement au rivage. C'est là, ai-je déjà dit, que se termine la navigation des bâtiments à vapeur qui, pendant l'été, établissent une correspondance directe et journalière entre Saint-Paul et toutes les villes et localités importantes situées sur le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est en outre le point de départ des steamers qui naviguent sur la rivière Saint-Pierre. On a vu aussi précédemment qu'à Saint-Antoine, au-dessus des chutes, le fleuve redevient navigable et qu'on y trouve les bâtiments qui en font le service vers le nord. Le souvenir, encore si récent, de l'aspect grandiose de la cataracte de Niagara, m'empêcha sans doute d'admirer les chutes de Saint-Antoine, qui, je dois l'avouer, me causèrent une vive déception, en dépit ou peut-être à cause même des éloges pompeux qu'en font les Américains. Le Mississippi, large de 500 mètres environ, est divisé en deux branches par une île couverte de végétation. De chaque côté, l'eau tombe d'une hauteur de 7 mètres et forme des cascades qui bouillonnent autour de rochers noirâtres. Puis commencent les rapides et le fleuve se précipite vers Saint-Paul avec la vitesse d'un torrent impétueux. De chaque côté du fleuve s'élève une ville, Saint-Antoine et Minneapolis, l'une et l'autre agréablement bâtie et située. Se faisant face, ayant les chutes pour première perspective, elles datent de 8 à 10 ans à peine et possèdent chacune, en 1861, 8000 habitants, plusieurs hôtels de premier ordre et un certain nombre de scieries et moulins alimentés par le fleuve. Elles communiquent par deux ponts très hardis, dont l'un en fer est suspendu un peu au-dessus des chutes et l'autre, construit un peu plus bas, est supporté par une charpente de 800 pieds de longueur sur 60 ou 75 de hauteur. Les campagnes qui entourent ces deux villes m'ont paru douées d'une grande fertilité. Les chaumes vigoureux qui couvraient la plaine annonçaient que la moisson de froment avait été bonne, et j'ai vu récolter de magnifiques moissons de maïs. Un soir, assis sur le plateau que couronne le Fort Smelling, dont les remparts élevés contre les Indiens n'ont plus de destination aujourd'hui, je laissais errer mes regards sur la magnifique perspective que déroulaient à mes yeux les deux villes sœurs, le cours du Mississippi, celui de la rivière Saint-Pierre, et dans la direction du Midi, les clochers et les jardins de Saint-Paul. Un nuage de vapeur, flottant au-dessus des chutes du grand fleuve, réveilla dans ma pensée le souvenir d'une vieille tradition indienne, où l'on donne pour origine à ce brouillard et au sourd murmure de la cataracte la mort d'une jeune femme qui, trahie et délaissée par son époux, beau guerrier Dakota, se précipita une nuit dans le gouffre bouillonnant avec l'enfant qu'elle allaitait. Sous la double influence des ténèbres et des sons mystérieux qui montaient ensemble du fond de la vallée, je me laissais aller à cette poésie du désert. Je rêvais de fantômes, de plaintes désespérées et de vagissements de nouveau-nés, lorsqu'en regagnant mon hôtel, le tic-tac des moulins et l'aigre bruit des scieries qui enchaînent le fleuve à leur prosaïque industrie me rappelèrent à la réalité. Ainsi s'achève Voyage dans l'Amérique septentrionale, États-Unis et Canada, par Louis Deville.